إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار إن شاء الله تعالى. Nous rentrons donc بفضل الله سبحانه dans notre épisode 1 après l'introduction de notre série que nous avons intitulée « Des califes bien guidés jusqu'au califat du Mahdi ». Et Inch'Allah Ta'ala, dans l'introduction de l'épisode 1, j'aimerais rappeler ici le hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: les gens connaîtront certes des années trompeuses durant lesquelles on croira le menteur tandis que le véridique sera démenti. On fera confiance au traître et on considérera comme traître celui qui est digne de confiance. Et le Rouaybida prendra la parole. On demanda: qu'est-ce que Rouaybida, ya Rasulullah? Il répondit: l'abruti ou l'insensé qui parlera dans les affaires d'ordre public. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, hadith numéro 7899. Et malheureusement, on constate que ainsi est notre époque aujourd'hui, comme elle avait été décrite par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous avons voulu, dans cette série, faire un... de rembobiner l'histoire et de la recommencer depuis le départ, pour qu'on sache où l'on va. Il est nécessaire de savoir d'où l'on vient. Alors il t'appartient, ô ma soeur, ô mon frère en islam, de connaître l'histoire de ta civilisation, l'histoire de ta communauté, afin de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé et afin que tu comprennes quel est son avenir. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il apparaît nécessaire aujourd'hui plus que jamais de revenir à l'histoire de nos salafs salih, nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin d'analyser et de comparer leurs œuvres à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est à cette condition seulement que le sincère qui recherche la vérité se rendra compte et comprendra ce qui est en train de se passer devant ses yeux aujourd'hui. Ibn Khaldoun, rahimahullah, un des grands historiens de l'islam, dit à propos de l'étude de l'histoire, il dit qu'elle nous informe sur la situation des nations passées, dans leur comportement, des prophètes dans leur conduite, des rois dans leur état et leur politique. Tout ceci afin de réaliser le bénéfice, de les prendre pour modèle pour celui qui le désire, aussi bien dans la religion que dans les affaires de la vie courante, yani les affaires profanes. Et si nous tournons vers les paroles d'un autre historien, un des grands historiens également de l'histoire islamique, Ibn Athir, il nous dit au sujet des bénéfices tirés de l'étude de l'histoire des nations musulmanes passées, il dit: et s'il voit l'histoire des gouverneurs justes, et comme elle est belle, la manière dont ils sont mentionnés, la manière dont ils sont mentionnés en bien après leur disparition, comment leur pays et leur royaume ont été peuplés et leurs biens fructifiés, ils aimeront cela, désireront l'atteindre et apporteront beaucoup de soins à le réaliser tout en évitant ce qui l'empêche. Tout ceci, en plus du fait de connaître les avis justes par lesquels ils ont repoussé les nuances des ennemis, se sont débarrassés des périls et ont sauvegardé les villes précieuses et les royaumes immenses. S'il n'y avait que ces bénéfices dans l'étude de l'histoire, cela suffirait à en faire sa fierté. Fin de citation. Alors comme je vous l'annonçais dans l'épisode d'introduction, Inch'Allah Ta'ala, nous aborderons donc avant tout, de manière résumée, les grandes lignes de l'histoire des califes bien guidés. Et ensuite, donc des califes qui les ont succédés, des dynasties et des différents empires, grands empires qu'ont connus l'histoire islamique. Nous aborderons ici également, Inch'Allah Ta'ala, un aperçu des différentes sectes qui sont apparues en islam. Tout ça dans le but que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est en train, les prémices que cela annonce. J'aimerais rappeler que nous avions d'abord souhaité nommer cette série pour comprendre le conflit syrien. Ça veut dire que notre but ici est que nous puissions avoir un autre aperçu de ce conflit-là. Donc tout ce que nous essaierons d'apporter ici, dans cette série, est dans ce but-là. Que nous ayons un autre vue sur le conflit syrien et que nous puissions le comprendre, bi-idhnillah ta'ala. J'ignore encore en combien d'épisodes se composera la série. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'arriver jusqu'à sa fin. D'ici là, je vous demanderai, bi-idhnillah, de vous abonner à la chaîne YouTube des Larmes de Sang afin que vous puissiez suivre les différentes actualités. Ainsi, notre premier épisode portera sur Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu est né à la Mecque 2 ans après la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom était Abdullah ibn Abi Quhafa, Othman. Il appartenait à la tribu de Quraysh des Beni Tamim. Et déjà avant l'islam, il était le meilleur ami du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il sera le premier homme à répondre à son appel et à le suivre. Radiallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit d'ailleurs à son propos: je n'ai jamais appelé personne à l'islam sans qu'il n'hésite un peu avant, sauf Abu Bakr. Abu Bakr s'est toujours tenu aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a toujours aidé, l'a toujours soutenu dans sa prédication, dans sa da'wah. Il a dépensé pour cela beaucoup de ses biens. Il a dépensé pour cela beaucoup de ses biens, ya ikhwan, ya akhawat. Il est du reste le compagnon de voyage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de son émigration à Médine, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi ay Abu Bakr Siddiq إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième des deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, c'est-à-dire à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas car Allah est avec nous, dans sourate At-Tawbah verset 40. À Médine, Abu Bakr Siddiq était comme un premier ministre pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui ne pouvait espérer de meilleur soutien ni de conseiller plus sincère que lui. Il assista à toutes les batailles avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il fut le porteur de l'étendard lors de la bataille de Tabouk. En l'an 9 de l'Hégire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié la tâche de diriger le pèlerinage avec les musulmans. Et quand il tomba malade pour la dernière fois, il ordonna à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu de le remplacer comme imam des musulmans dans la prière. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu était devenu célèbre pour ses nombreuses qualités et ses nobles caractères, parmi lesquels la pondération, la compréhension sage de la religion, l'observation scrupuleuse du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, son application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il fut connu pour sa forte détermination, de même que sa douceur et sa bienveillance. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam n'avait pas désigné de personne de manière claire pour lui succéder. Et les Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, et ceux qui ont soutenu le messager d'Allah, qui ont accueilli les musulmans à Médine, ont été rejoints par les trois émigrés, les trois muhajiroun, qui furent Abu Bakr, Omar et Abu Ubaida ibn Jarrah, radiallahu anhum. Et ils se réunir après donc la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se consulter sur l'affaire de la succession du prophète alayhi salatu wa sallam. Et après qu'il y ait eu un débat et un échange de points de vue, Omar ibn Khattab s'avança vers Abu Bakr, prit sa main et lui prêta le serment d'allégeance. Puis les émigrés et les Ansar firent la même chose. Ce fut dans un premier temps un pacte d'allégeance privée, une bay'a privée, qui eut lieu dans la demeure de Benu Sa'ida. Et déjà, par rapport à cet événement, beaucoup de savants considèrent que le fait de prêter le serment d'allégeance, enfin le fait qu'une personne, un individu qui fait partie de Ahlul Hali wal Aqd, de ceux qui nouent les pactes, si un d'entre eux prête l'allégeance, alors que cette allégeance là est valable. Mais Inch'Allah ta'ala, nous aborderons ce sujet dans les épisodes qui suivront. El Muhim, le lendemain, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu prit place sur le minbar, sur la chaire, et toute la population lui prêta le serment d'allégeance. Après que fut achevé ce rituel, il se leva, loua Allah subhanahu wa ta'ala, et il déclara, il fit cette déclaration qui fut connue en disant: ô gens, on m'a désigné comme votre chef alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Mais le Coran a été révélé et le prophète a édicté les lois et nous avons appris. Pour moi, le plus faible d'entre vous est le plus fort, afin que je lui accorde son droit. Et le plus fort d'entre vous est le plus faible, afin que je lui prenne une partie de ce qu'il possède en toute justice. Ô gens, je ne suis qu'un suiveur, pas un innovateur. Si je fais du bien, aidez-moi. Et si je m'en écarte, redressez-moi. Ce discours représente la voie que suivra Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dans l'administration des affaires de l'État islamique, à l'époque après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr ne fut calife que pendant 2 ans et 3 mois. Et il passa cette période à lutter constamment pour défendre et maintenir le dogme islamique et pour consolider les piliers de l'État musulman. Ses réalisations les plus nobles que nous connaissons sont la guerre contre les apostats, Hurub al-Ridda. C'est ce qu'on appelle donc la guerre contre ceux qui ont apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. À l'époque où Abu Bakr Siddiq devint calife, nombre de tribus arabes ont rejeté l'islam. Ces apostats étaient de deux sortes. Il y a ceux qui refusaient de s'acquitter de la zakat, mais qui continuaient à accomplir le reste des rituels de l'islam. et un groupe qui refusa la religion en bloc. C'est d'ailleurs parmi celles-ci qu'apparaîtront ce qu'on appelle les menteurs, qui prétendront être des prophètes, tels que Tulayha al-Asdi chez les Beni Asad, tels que Sajja bintul Harith, qui est le cas, une femme qui prétendait être une prophétesse au sein d'une partie de Beni Tamim, ou encore Musaylama al-Kaddab, le tristement célèbre menteur et imposteur des Beni Hanifa, ou bien encore Al-Aswad Al-Amsi chez la tribu de Qahtan au Yémen. Et donc la vague d'apostasie fut une rude épreuve pour la communauté musulmane après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Abu Bakr et les notables parmi les Sahaba se concertèrent à ce sujet. Et finalement, tout le monde tomba d'accord sur la nécessité de faire face aux apostats. Que ce soit ceux qui étaient retournés au paganisme ou ceux qui s'étaient refusés à s'acquitter de la zakat. Tous se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait leur mener bataille. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu prononça alors cette parole qui est restée célèbre lorsqu'il a dit: par Allah, s'il me refuse ne serait-ce que le bout de corde d'un chameau qu'il donnait jadis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je le combattrai pour cela. Animé par cette fermeté et d'une foi inébranlable, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu envoya 11 armées combattre les apostats, chacune étant commandée par un général parmi les plus compétents et les plus sincères dans la da'wa. Les armées islamiques livreront donc plusieurs batailles contre les apostats. Et les combattants musulmans feront preuve d'exemple, tant dans leur sacrifice que dans leur sincérité. Et grâce à cette détermination, dans le commandement et au sacrifice des combattants, le mouvement apostat sera littéralement écrasé et l'islam regagnera toute la péninsule arabique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous le commandement de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et parmi également les grands faits que l'on note et que l'on attribue à Abu Bakr Siddiq, il y a l'assemblement du Coran. À l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, les compagnons apprenaient le Coran par cœur, sans qu'il ne soit jamais rassemblé dans un livre comme nous l'avons aujourd'hui. Néanmoins, après que bon nombre de récitateurs sont tombés martyrs, donc dans les guerres contre les apostats, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a senti l'urgence et la nécessité de rassembler le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en un seul exemplaire. Ayant été consulté, les grands compagnons furent du même avis que lui. Et il confia cette tâche à un illustre compagnon, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Celui-ci se mit donc à rassembler les versets et les sourates du Coran à partir des rameaux de palmiers et des morceaux de cuir, en sollicitant également la mémoire des gens, et les plaça dans un livre qu'il déposa chez le calife. Et après la mort donc de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, cet exemplaire a été gardé chez son successeur qui était Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et quant à son tour, le deuxième calife est mort, quand Omar radiallahu anhu est mort, la copie sera confiée à sa fille Hafsa bintu Omar radiallahu anhu, Ummul Mu'minin, qui était la mère des croyants, c'est-à-dire la femme du prophète alayhi salam, jusqu'à ce que le troisième calife Othman en prenne possession et ordonne qu'on en transcrive plusieurs exemplaires à diffuser dans toutes les régions de l'Empire. Le rassemblement du Coran est en somme donc l'une des réalisations majeures qui est liée au nom de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et grâce à cela, le noble Coran fut préservé de l'ajout, de la diminution et de l'altération, contrairement à la Torah et à l'Évangile qui n'ont pas échappé aux apocryphes et aux modifications. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit vrai lorsqu'il a dit: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui faisons descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Inch'Allah ta'ala, nous nous arrêterons là pour ce premier épisode. Et dans la suite, nous aborderons donc les détails des guerres d'apostasie, Hurub al-Ridda, qui ont été menées sous les ordres de Abu Bakr et qui étaient qui précédaient les conquêtes. C'est-à-dire qu'après que les guerres d'apostasie aient été menées à bien, alors démarrèrent les conquêtes musulmanes. Alors, Inch'Allah ta'ala, je vous demande encore une fois de suivre notre actualité, de partager notre da'wah, afin de travailler pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et le triomphe de sa religion. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا من نصرة الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا الموحدين الذين يدافعون عن الدين وعن الإسلام والمسلمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا يا رب العالمين واهد الشباب المسلمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.